Ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications. C'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, peu importe ce que les autres diront, je veux que tu me pardonnes de mes péchés et je veux te suivre. Mais comment? Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez héritée de vos pères par le sang précieux de Christ. Je te reviens, Seigneur.